بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أما بعد يا إخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة اتباع سلف هذه الأمة. نشكره تبارك وتعالى ونثني عليه إنه أهل لذلك لهذا الشكر والثناء. طيب ندخل في باب جديد لا يتعلق بما درسنا في الأيام الماضية. هذا الباب سماه المؤلف أصول منهاج النبوة. طيب. فقد رأينا بعض الأصول في بداية دروسنا نعم باختصار، والآن سنفصل في هذا الموضوع تفصيلا على ما سلك به المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى. دونك نو زاتامون نو شابيت كي ات سور ان توت اوتر سوجي دو سكو نو افيون اتيدي لي دارني جور او لي جور او لي كور بريسيدون. Et ce chapitre est intitulé par l'auteur du livre Les fondements de la voie prophétique, chose que nous avions déjà cité au début de nos cours. Non, je ne sais pas pour ceux qui étaient présents. Nous avions cité certains fondements de la voie prophétique en résumé. Sauf qu'ici, Inch'Allah, nous allons détailler. D'accord ? Nous allons détailler et ceci nous prendra presque toute la deuxième partie du livre. Aux trois quarts de la deuxième partie du livre. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى أصول منهاج النبوة ثلاثة. الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. المؤلف دي les fondements de la voie prophétique sont au nombre de trois. Le premier fondement, la sincérité envers Allah dans l'adoration. La sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Et le suivi exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attachement à ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, et le suivi de leurs traces. Ce fondement se résume ainsi. L'unification dans le tawhid et la réalisation du suivi. Nous allons expliquer ce fondement aujourd'hui, inshallah, tabaraka wa ta'ala, naam, en détail. Al-asl al-thani, luzum al-jama'a, wa al-sam'u wa al-ta'atu fi ghayri ma'siyah. Le deuxième fondement, c'est l'attachement au groupe. Et maintenant, lorsque l'on dit groupe, vous savez de quoi on parle. L'attachement au groupe, c'est-à-dire l'attachement au groupe des premières générations du musulman. Non. Même s'ils ne vivent plus à notre époque, le fait de s'attacher à eux, ou de l'attachement au groupe, signifie en fait l'attachement à ce sur quoi ils étaient. Non. Concernant leur religion. Et leur compréhension de la religion. Donc l'attachement au groupe, l'écoute et l'obéissance au détenteur de l'ordre, au gouverneur, et ceci n'impliquant pas une désobéissance d'Allah. tabaraka wa ta'ala, comme on le verra. D'accord? L'obéissance et l'écoute au gouverneur n'impliquant pas une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est le deuxième fondement. Wal aslu thalith al-hadharu min al-bid'i wal-mubtadi'in wat-tahdhiru minhum wal-qiyam 'alayhim. Le troisième fondement, la méfiance vis-à-vis des innovations et des innovateurs, et la mise en garde contre eux et l'opposition qu'on doit leur porter. Vous avez compris? Voici les trois fondements sur lesquels repose la voie prophétique. Je répète et je réitère, le premier fondement, c'est la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, ainsi que de suivre exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons et le fait de suivre leurs traces. D'accord? Ceci est corroboré par le verset coranique que nous avions à maintes et maintes reprises cité. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui fait scission d'avec le messager après que l'épreuve lui fut venue et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Nous avions expliqué et montré que le chemin des croyants, c'est en premier lieu le chemin des sahaba. Donc Allah ici met en garde toute personne qui aurait fait scission d'avec le prophète, c'est-à-dire qu'il se serait écarté de la voie du prophète et qui aurait suivi un autre chemin que celui des compagnons. Donc l'importance de suivre les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ce premier fondement, tout ceci est dans le premier fondement de l'islam. Tout ceci, bien sûr, se résume dans quoi? Dans le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses fondements et dans ses ramifications, et ceci selon la compréhension des pieux prédécesseurs et en premier lieu les compagnons du prophète. Voilà al-aslul awwal, le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est l'attachement au groupe. L'uzum ou le jama'a. L'attachement au groupe des croyants. En premier lieu, sahaba. Et d'une manière plus générale, en extrapolant, tous ceux qui les ont suivis dans cette voie droite, dans le bien. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَنِ. Ce bi-ihsan, comme Allah l'a cité dans le Coran, il est très important. Had al-qaïd. Ceux qui les ont suivis dans le bien. D'accord? Car les générations, il y a, parmi les générations qui ont suivi le compagnon, il y a certaines personnes qui se sont égarées. D'accord? D'où l'importance d'avoir précisé ceux qui les ont suivis dans la droiture, dans le bien. Dans ce sur quoi ils étaient conformes à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voici le deuxième, dans le deuxième fondement, c'est l'attachement au groupe et l'obéissance et l'écoute au gouverneur des musulmans, à ceux qui détiennent l'autorité, et ceci bien sûr n'impliquant pas une désobéissance d'Allah. Ce point là, mes frères, on le verra inchallah en détail, il nous prendra plusieurs cours pour l'expliquer, car c'est un sujet qui est d'actualité et c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont glissé. Et le troisième fondement, c'est la méfiance vis-à-vis des innovations et des innovateurs et la mise en garde contre eux et contre elles, contre ces innovateurs et contre ces innovations, et l'opposition qu'on doit leur porter. Non. Le combat qu'on doit mener contre elles et contre eux. Vous avez compris, les frères? Les preuves sur ceci, bien sûr, ces trois fondements. Non. Ja'at هذه الأصول بالتتبع والاستقراء. En étayant les textes religieux, on en déduit ceci. Non. En étayant les textes religieux du Coran et de la Sunna, on en déduit que la religion ou la voie prophétique afwan est basée sur ces trois fondements. Non. نستدل على هذه الأصول الثلاثة بالقرآن والسنة على باب الاستقراء والتتبع. نعم تتبعنا النصوص واستقرأناها. طيب. Donc la preuve de ceci, mes frères. يقول المؤلف. أولا أول دليل يذكره حديث عرباد بن سارية يقول عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ D'après Arbad ibn Sariya, qui comme vous le savez tous est un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète d'Allah, ou l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé un jour la prière pour nous, puis se retourna vers nous et nous exhorta d'une grande exhortation. À la suite de laquelle, nos yeux versèrent des larmes et nos cœurs furent pris de peur ou d'effroi. Un homme dit, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle est comparable à un serment d'adieu. Cette exhortation que tu nous as faite, elle est comparable à un serment d'adieu. Comme si tu allais nous quitter d'ici peu. Ou sous peu. Que nous enjoins-tu? Que nous enjoins-tu? فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالْ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ هذا الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد في المسند والترمذي في سنن وابن ماجه في سنن وصححه الألباني في صحيح الجامع رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. Le prophète répondit à la suite de cette question, à la suite de la question du sahabi, que nous enjoins-tu? Le prophète répondit, je vous enjoins la piété envers Allah tabaraka wa ta'ala, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, fût-il un esclave éthiopien. Car celui qui vivra parmi vous, après moi, verra de nombreuses divergences. Tenez-vous-en fermement à ma sunna, à ma voix, et à la sunna des califes bien guidés et sur la droiture. Mordez-y de toutes vos forces et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par Abu Daoud. Et d'ailleurs, ici les termes de ce hadith que je vous ai cité, ils sont de Abu Daoud, fi sunani. Rapporté aussi par l'imam Ahmed dans son Musnad, l'imam al-Tirmidhi wa Ibn Majah, et c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikhun al-Albani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Il y a dans ce hadith les trois fondements sur lesquels repose la voie prophétique. Dans ce hadith-là, il y a les trois fondements qu'on a cités au début du cours. Non? يقول المؤلف وفي الحديث أصول الثلاثة التي يقوم عليها منهاج النبوة فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين والتقوى هي طاعة الله تعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وهي حقيقة الدين وإخلاص التوحيد لرب العالمين ولا يكون ذلك إلا بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل الأول. L'auteur dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a enjoint la piété. أوصيكم, le prophète a dit أوصيكم بتقوى الله, je vous enjoins la piété. C'est la première des choses, la première exhortation qu'il a donnée le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous enjoins la piété envers Allah. Qui représente en fait comme dit le Mu'allif, la recommandation d'Allah le Très-Haut aux premières et aux dernières générations. C'est une recommandation qui n'est pas assujettie au temps. Elle a été prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala aux premières générations ainsi qu'aux dernières générations. Comme le verset que j'ai cité au début de mon intervention, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé aussi les premières générations, et ceci afin que vous atteigniez la piété. Le but, c'est d'atteindre la piété envers Allah tabaraka wa ta'ala. Non? Donc cette exhortation, ou cette recommandation qu'Allah a faite sur la piété, elle est universelle. Elle est applicable aux premières et aux dernières générations. La piété, c'est quoi? Comme le dit le Mu'allif, la piété réside dans l'obéissance d'Allah le Très-Haut, en se conformant à ce qu'il nous a ordonné et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Elle représente la réalité de l'islam, at-taqwa, la sincérité concernant le tawhid ou l'unicité du Seigneur des mondes. Et ceci ne peut se réaliser, cette piété, elle ne peut se réaliser qu'en suivant exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué. C'est que celui qui veut adorer Allah exclusivement, il ne peut le faire qu'en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que celui qui veut suivre le prophète scrupuleusement dans toute sa droiture, il ne peut le faire qu'en adorant Allah exclusivement, en délaissant tout ce qui lui est associé. Voilà le premier fondement. Puis le prophète dans ce hadith a ordonné l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'ordre. Car la vie des créatures ne peut s'organiser que par ceci. L'écoute et l'obéissance, bien sûr, n'impliquant pas une désobéissance. Et ceci est le deuxième fondement. Que le prophète a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, « Usikum bitaqwa Allahi azza wa jal, hada l'aslu l'awwal, wa sam'i wa ta'a, wa in ta'ammara alikum abdun, wa fi hadhihi riwaya, wa in ta'ammara, wa in abdan abashiyan, wa in abdan habashiyan, fut-il un esclave éthiopien ?» Et le mu'allif, il dit, par rapport à ça, il dit وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَلَا تَنْتَظِمُ أَحْوَالُ الْخَلْقِ إِلَّا بِذَلِكْ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ الْأَصْلُ الثَّانِي. Donc c'est ce que je vous ai dit, cette obéissance au gouverneur ne doit pas impliquer une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci, mes frères, on le verra en détail inshallah, car il y a des textes nombreux dessus qui nous enjoignent, mal qui nous ordonnent l'obéissance et l'écoute au gouverneur musulman, sauf si ceci implique une désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans ce cas-là, il n'y a ni écoute ni obéissance. Vous avez compris? Oui. Ceci est le deuxième fondement, on y reviendra en détail, inshallah, dans les cours prochains. وقال المؤلف معلقا على هذا الحديث وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين والابتداع فيه وأمر بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ ويستلزم ذلك البراءة من البدعة والمبتدعين وهذا هو الأصل الثالث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre toute chose nouvelle dans la religion et toute innovation et a ordonné l'attachement scrupuleux à la sunna en y mordant à pleines dents. Ceci implique le désaveu de l'innovation et des innovateurs. Lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde à toute chose nouvelle dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. J'ouvre une parenthèse ici, mes frères. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entamait un discours, il mettait en valeur ce principe. Al-hadhru wa tahdhiru min al-bid'ati wal mubtadi'in. La mise en garde et la méfiance contre les innovateurs et les innovations religieuses. Alors que les innovations et les innovateurs n'étaient pas présents à son époque. Quelle est la raison alors? Quelle est, pourquoi le prophète réitérait souvent la mise en garde contre les innovateurs et les innovations alors qu'à son époque elles n'étaient pas présentes? Et les innovateurs n'étaient pas présents à son époque. Jusqu'à sa mort. Pourquoi alors réitérer? Pourquoi alors mettre l'accent dessus? La réponse, elle est claire, mes frères. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la révélation, savait que les innovations religieuses et les innovateurs allaient survenir dans la communauté de l'islam. Bil kathra, à profusion. Donc c'est un avertissement pour les générations postérieures. Pour les générations qui allaient venir après lui. Le prophète lui-même n'était pas directement concerné par ceci. Walakin min bab al-tahdhir, al-hadhr wa al-tahdhir, karrara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hadhr wa al-tahdhir min al-bid'ati wa al-mubtadi'in. Le prophète réitérait souvent, très souvent, la mise en garde et la méfiance contre les innovateurs et les innovations religieuses. Vous avez compris? Donc ce hadith en lui-même, on retrouve dans le hadith de Arbad ibn Sariya les trois fondements sur lesquels se repose la voie prophétique. Al-usul al-thalatha, allati yakumu alayha manhaj al-nubuwa. Thumma al-mu'allif, l'auteur du livre, explique plus ou moins les termes un par un de ce hadith. Inch'Allah, on les a expliqués. À travers ma traduction, je les ai expliqués. D'accord? Donc c'est pas la peine d'y revenir ici, Inch'Allah. مؤلف سيت الدوزيام حديث يذكر دليلا ثانيا وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وانظر الأدب المفرد بتعليقات الألباني. قد أخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيح دون قوله أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. طيب. Nous avions déjà cité ce hadith là d'après la version de Muslim qui n'a pas justement مناصحة ولاة الأمور. نعم. Ici la version elle est plus complète. Le prophète d'après Suhayl ibn Abi Sarih, d'après son père, d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah agrée de vous trois choses et réprouve de vous trois choses. Il agrée de vous que vous l'adoriez et ne lui associez quoi que ce soit, que vous vous cramponniez tous à la corde d'Allah et que vous portiez le bon conseil à ceux qu'Allah a donné autorité sur vous. Et il réprouve de vous trois choses. Le colportage, le gaspillage des biens, et la profusion des questions. Je vais expliquer, Inch'Allah. Hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, l'imam Ahmed dans son Musnad, et authentifié par Cheikh Al-Albani, et rapporté aussi par... l'imam al-Bukhari fi Adab al-Mufrad ou l'imam Muslim, avec des termes différents. Ici, Allah agrée pour nous trois choses et il réprouve de nous trois choses. La première des choses qu'il agrée, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. c'est que vous l'adoriez lui seul, c'est-à-dire que vous lui vouez un culte exclusif. Naam. Sans lui donner d'associé tabaraka wa ta'ala, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni au travers de ses noms et de ses attributs. Ça, c'est la première chose. Et que vous vous cramponniez à la corde d'Allah. Comme قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah dit dans le Coran, c'est sourate Ali Imran, et cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et nous avions vu que la corde d'Allah, comme l'ont expliqué les savants, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est la voix des compagnons. Toutes ces divergences d'explications, elles ne se contredisent pas en elles-mêmes, mais elles viennent se compléter. C'est ce qu'on appelle en arabe irtilaf ou tanawwa. C'est des divergences de style. Non? Et ce ne sont pas des divergences de tafsir contradictoires qui viennent s'opposer. Non? Donc, si vous voyez un mufassir qui explique la corde d'Allah par le Coran et un autre qui explique la corde d'Allah par la Sunna, et un autre qui explique la corde d'Allah par la voix des compagnons, ne vous étonnez pas. Mais il n'y a aucune contradiction dans tout ça. Tout ça, ça renvoie à la même chose. D'accord? Ce n'est juste que des divergences de style dans l'approche du verset coranique. D'accord? Irtilafu at-tanawwa. Laisse irtilafu tadad. Donc, première chose, que vous adoriez Allah lui seul sans rien lui associer. Deuxième chose, que vous vous cramponniez à la corde d'Allah. L'uzum ou le jama'a. Là. Et que vous portiez le bon conseil à ceux qu'Allah a donné autorité sur vous. Là. Munasahatu ou latil umur. C'est le bon conseil à porter au gouverneur. Non pas les insulter, comme font les gens de notre époque, mais plutôt leur porter le bon conseil. Et on verra, inshallah, en quoi consiste le bon conseil à porter au gouverneur. D'accord? Ce n'est pas juste une parole. Ça implique beaucoup de choses derrière. Car comme on le verra, Inch'Allah, al-Nasiha, ce n'est pas juste le conseil. C'est un terme qui est beaucoup plus vaste et qui regroupe beaucoup plus de sens. Voilà les trois choses qu'Allah agrée de nous. Les trois choses qu'Allah réprouve de nous, le colportage, al-qila wa qal. Le fait de colporter des choses. Car ça implique forcément que tu vas être amené à mentir à un moment donné. Car le prophète a dit, alayhi wa sallam, dans le hadith, il l'a dit, في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit à l'homme pour qu'il soit considéré comme un menteur qu'il rapporte tout ce qu'il entend. نعم ولا يتحرى ولا يتحفظ في نقل الكلام. Il ne prend aucune précaution dans le fait de ramener des propos d'un tel ou d'un tel, ou de relier les propos d'un tel ou d'un tel. Donc la personne qui ne fait pas preuve de précaution et de recul, au final, comme a dit le prophète, ça va l'emmener forcément au mensonge. Car comme vous le savez tous, mes frères, les gens, ils mentent beaucoup. Les gens, ils rapportent des choses faussement, ou ils gonflent les choses, ils gonflent les informations. Non. Donc, toi, lorsque tu vas rapporter des paroles d'un tel et d'un tel, si tu ne fais pas attention à savoir qui te rapporte l'information, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'exagérer dans ses propos, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, etc. Si tu ne fais pas tout ce travail-là, tu vas relier le mensonge que lui-même il a déjà inventé. Non. C'est pour ceci que le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, il suffit pour qu'un homme soit considéré comme un menteur, qu'il rapporte tout ce qu'il entend, sans prendre de précautions. Ou comme on dirait à notre époque, sans prendre de gants. Donc Allah réprouve de ceci, reprouve de nous cette chose-là. Al-qila wa qal. Un tel a dit, un tel n'a pas dit, tu as entendu un tel, etc. etc. Le colportage. Ça porte un autre nom aussi, ça s'appelle le... Les ondits, yarhamakallah. Ou le commérage. Voilà, le commérage. Deuxième chose, le gaspillage des biens. Le gaspillage des biens. Da'atul mal. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Certes, ceux qui gaspillent dans toute chose, gaspillent leur temps, gaspillent leurs biens, ceux-là sont les frères des shayatines, des démons. C'est strictement interdit, mes frères. Donc ceci, la personne, elle doit, lorsqu'elle a de l'argent, elle doit faire preuve de discernement, de retenue, d'accord, de clairvoyance concernant ses dépenses. D'accord, ne pas dépenser à tort et à travers. Et aussi, la profusion des questions. Kasratu su'al. Wa kasratu su'al, mes frères. Là, il faut faire un petit tafsil. Le prophète a dit, sallallahu, Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, Ya yuwalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a, in tubadalakum, tasukkum. Ô vous qui avez cru, ne posez pas des questions que si elles vous étaient révélées, ou alors si on y répondait, elles vous porteraient préjudice et elles vous affligeraient. Comme cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mon père, qui est mon père? Le prophète ne lui a pas répondu. L'homme a réitéré la question, qui est mon père? Le prophète ne lui a pas répondu. La troisième fois, l'homme a réitéré la question, a dit, qui est mon père? Le prophète a dit, ton père est un tel, et ton père est mon fait, et mon père sont en enfer. Au final, qu'est-ce qu'il a gagné cet homme? Qu'est-ce qu'il a gagné cet homme? Il a gagné le fait que, il a su que son père c'était un tel, et il fait partie des gens du feu. Donc, peine et affliction. Voilà ce qu'il a gagné au final. L'interdiction des questions dans ceci. Ou alors l'interdiction des questions dans le fait de compliquer la religion. Ce qu'on appelle At-Tanattu'. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, d'après une version de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ثلاث مرات. والمتنطعون المتشدقون والمتقعرون والمتشددون المتنطعون. Le prophète a dit que périssent المتنطعون. Il l'a répété trois fois. المتنطعون c'est qui? Ce sont justement ces personnes qui cherchent la difficulté là où il y a la facilité. Des personnes qui, avec la profusion de leurs questions, vont rendre leur religion difficile. Non. Comme ce fut le cas des juifs. Rappelez-vous l'histoire d'El Bakara. Hein? Inna Allah ya'murukum an tazbahu bakaratan. Qala atattakhizuna huzua. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Donc Allah, Moussa a dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache, bakaratan. Aïe bakaratin. N'importe laquelle. Prenez n'importe laquelle. Et égorgez-la. Alors ils ont dit quoi? Ala ba ala wajhi tanattu' wa ta'ammuq. Qalu, nous prends-tu? Te moques-tu de nous? Et Moussa a dit qu'Allah me préserve d'être parmi les ignorants. Ou al jahilun, si ça veut dire aussi ici, parmi les pécheurs. Alors, ils ont demandé à Moussa, décris-nous cette vache, quelle est sa couleur? Etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils ont eu du mal à la trouver. Pourquoi? Parce qu'à chaque question qu'ils posaient, Allah leur restreignait le champ du choix. Non. Donc, au final, ils ont gagné quoi? Complications, fatigue, etc., etc. Alors qu'il aurait été tout simplement, demandé de prendre n'importe quelle vache. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ai interdit, évitez-le, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, appliquez-le selon votre capacité. فإنما هلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Car certes, ceux qui ont péri ou ceux qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédé, c'est quoi? La profusion de leurs questions, hein, et leur divergence quant à leurs prophètes respectifs. À force de poser des questions là où la réponse n'est pas nécessaire, ou là où on n'a pas besoin de réponse sur ce principe-là, ou sur cette chose-là, ceci amène à quoi? À la perdition. Il en est de même aussi l'interdiction des questions dans un but de se moquer. Al-bab al-istihza. Kama yaf'aluhu dhalika al-munafiqun wal-kuffar ila akhiri. Le fait de se moquer. Tu poses des questions à Dieu, mais pour se moquer. Pas pour rechercher la science, pas pour te guider, mais juste pour te moquer. Ou pour faire perdre le temps de la personne à qui tu poses la question. Donc c'est en ceci que kathratu su'al ou kathratu al-as'ila mazmouma fi shar'illah tabaraka wa ta'ala. Le fait de poser beaucoup de questions dans ces choses-là est répréhensible dans la religion. Amma poser des questions dans un but à la wajh al-ihtida, c'est-à-dire dans un but de se guider, d'essayer de comprendre sa religion, bien sûr ceci est louable, bien au contraire. Quoique là aussi, ça mérite aussi des repères bien définis. Ce n'est pas comme ça dans l'absolu. Ad-din yusr, la religion, elle est facile. Elle est facile dès lors qu'on suit les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah ben, dès lors qu'on s'écarte de la voie du prophète, elle est difficile, la religion. On avait parlé de Ahlul Kalam, ceux qui étaient rentrés dans des considérations philosophiques. Regardez comment ils se sont rendus le dogme difficile. De telle sorte qu'il est réservé à une élite de gens. Le commun des musulmans ne comprend rien à tout ça. Alors que la aqidah que nous a laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dogme, la croyance que nous a laissé le prophète et compagnons, elle est simple, elle est compréhensible par tout le monde. Alhamdulillah. Mais qui a rendu difficile ces croyances-là? Ce sont les gens. Ceci ne vient pas d'Allah ni du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, les frères? يقول المؤلف بعد هذا الحديث وهذه الثلاث قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل أو لا يغل أو لا يغل كما سنرى إن شاء الله لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. Le mu'allif dit ces trois fondements ont été textuellement spécifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans le hadith de Zayd ibn Thabit, le hadith qu'on va citer, qui a dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah donne la prospérité, wa naddara, ça veut dire qu'Allah aussi donne la beauté et la clarté à une personne qui aura entendu de moi un propos, le mémorisant et le transmettant à autrui. Il se peut qu'une personne détenant une science ne soit pas pour autant un savant, et qu'une personne détenant une science la transmette à un plus savant que lui. Trois qualités par lesquelles le cœur d'un musulman ne sera touché par la trahison, le mal, la haine ou la rancune, suivant le terme de Yarillou, Yorillou, Aoyarillou. Trois sens différents. Trois qualités par lesquelles le cœur d'un musulman ne sera touché par la trahison, le mal, la haine ou la rancune, ou la rancœur. La sincérité des actes envers Allah. Le bon conseil prodigué aux détenteurs de l'ordre. L'attachement au groupe. Certes, leur appel ou leur invocation, on peut l'expliquer des deux termes, à l'islam, cerne de toutes parts, les cerne de toutes parts et protège ceux après eux. c'est-à-dire ceux qui se conforment à ce sur quoi étaient les premières générations. Je vais expliquer, Inch'Allah. يقول المؤلف هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. Il dit ces trois caractéristiques réunissent ce par quoi tient la vie et la religion des gens. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. Il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, les problèmes dans la religion des gens et dans leur vie de tous les jours, quotidienne, dans leur vie quotidienne, ne surviennent que dans la mesure des transgressions de ces trois caractéristiques ou l'une d'entre elles. Hein? Je répète, les problèmes dans la religion des gens et dans leur vie quotidienne ne surviennent que dans la mesure des transgressions vis-à-vis de ces trois caractéristiques ou de l'une d'entre elles. Si une personne fait défaut ou transgresse une de ces trois caractéristiques ou les trois, alors la conséquence de ceci, c'est qu'il surviendra dans sa religion et dans sa vie, c'est-à-dire les problèmes et les troubles. Ibn al-Athir, rahmallahu tabarak wa ta'ala, yaqul يغل هو من الإغلال والإغلال الخيانة في كل شيء. Ibn al-Athir il dit, يغل, le prophète a dit, عليه الصلاة والسلام, je reprends les termes du hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, trois qualités par lesquelles le cœur d'un musulman ne sera touché par la trahison, le mal ou la rancœur ou la rancune. Vous voyez que je l'ai traduit par trois termes différents. En fait, ces trois termes différents, c'est suivant comment le hadith a été rapporté. Car on a trois termes différents qui ont été rapportés de trois façons différentes et toutes ces voies-là, elles sont authentifiées. Le premier, c'est yurillu. Ibn al-Athir dit yurillu min al-ihlal wa huwa al-khiyana. C'est la trahison. Donc, le cœur du musulman qui s'applique, enfin le musulman qui s'applique à ces trois choses-là, son cœur ne sera pas touché par la trahison, c'est-à-dire que son cœur ne trahira pas autrui, hein, ou son prochain. Ça, c'est yurillu. Ou yarillu, bifathilya, ça, c'est al-haqdu, la haine ou la rancœur, ou al-bord, al-haqdu ou al-bord. Donc, le cœur du musulman ne sera pas touché par la rancœur et la haine envers son prochain. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous évoque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit que qu'Allah donne justement la clarté ou la prospérité à toute personne qui transmettra le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le mémorisera et qui le transmettra. Et regardez ici, ce qui est très intéressant à noter dans ce hadith, et c'est une preuve sur laquelle s'appuient les savants pour dire que les gens du hadith ne sont pas seulement ceux qui le mémorisent et qui le narrent, mais ce sont aussi ceux qui le comprennent et qui l'appliquent. Et la preuve de ceci, c'est ce hadith-là. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la prospérité à une personne qui aura entendu de moi un propos, le mémorisant et le transmettant à autrui. Il se peut qu'une personne détenant une science n'en soit pas pour autant un savant. Donc ce n'est pas toute personne qui narre le hadith du prophète qui est un savant, qui connaît forcément le sens de ce hadith. Non. Donc ici, la doa du prophète en faveur de ces personnes-là, c'est pour celui qui aura transmis, mais qui aura aussi compris. Et le savant, il se détermine en ceci. Al-Faqih, ici, dans le hadith, huwa al-alim. C'est celui qui aura mémorisé, narré, mémorisé et compris le hadith. Car le prophète a dit, ce n'est pas toute personne qui transmet le hadith qui est forcément un savant. فَرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه. Non. Et si, et une personne détenant une science, il se peut qu'il la transmette à quelqu'un qui est plus savant qu'elle. Vous avez compris? Donc ça, ça nous prouve, comme l'ont dit les savants, et Ibn Rajab et autres, ils ont dit que ce hadith nous prouve clairement que le savant, ce n'est pas celui qui juste qui transmet et qui narre le hadith, mais c'est celui qui l'a compris. Non. Qui a une, ce qu'on appelle les ilm riwaya wa diraya. Qui a la science de la narration et la science du sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait rapporté la parole de Cheikh l'Islam sur ceci. يقول المؤلف بعد ذلك celui qui désire بالعربي من كان يريد أن يكون منتميا إلى منهاج النبوة انتماء صحيحا فلا بد أن يحقق هذه الأصول. Celui qui désire s'apparenter ou s'affilier à la voie prophétique d'une affiliation valide et authentique se doit de respecter ces trois ou de réaliser ces trois caractéristiques. Là, quelles sont-elles? Al-ubudiyyatu lillahi tabaraka wa ta'ala bi tajrid at-tawhid wa tajrid al-mutaba'a lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, luzum al-jama'a, l'attachement au groupe. Thalithan, الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة. La mise en garde et la méfiance contre l'innovation et les innovateurs. ثم يقول المؤلف ومن أخل بها أو ببعضها لا يصح أن يكون منتسبا إلى منهاج النبوة ولا إلى منهاج السلف ولا يصح أن يقال هو سلفي وكيف يكون سلفيا وقد أخل بهذه الأصول لا التي لا بد أن تتوفر في الرجل حتى يكون منتميا انتماء صحيحا وحتى يكون قائما على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Celui qui fait défaut sur elle, sur ces trois caractéristiques ou ces trois fondements si vous voulez, ou une d'entre elles, verra son affiliation à la voie prophétique et à la voie des salafs non valide. De même, on ne dira pas de lui qu'il est salafi. Car je vous rappelle, mes frères, pour qu'une personne, on dise d'elle qu'elle est sortie de la salafia, il faut qu'elle ait fait défaut sur un des fondements de la voie des salafs. Naam. Comme ces trois fondements-là. Une personne, par exemple, qui adore Allah lui seul sans rien lui associer, qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'accroche au groupe des croyants, voilà qui ne met pas en garde contre eux, les gens de l'innovation religieuse ou contre l'innovation religieuse, celui-là n'est pas un salafi. Ou alors celui qui met en garde contre l'innovation religieuse, qui adore Allah correctement sans lui associer quoi que ce soit dans son adoration, qui suit le prophète ou qui s'efforce de le faire, voilà qui profère ou qui sort sur le gouverneur avec sa langue ou avec l'épée, celui-là n'est pas salafi, car il a fait défaut à un des fondements de la salafia, etc., etc. Là, donc pour vous, ça c'est un dhabit, pour savoir ou pour jauger qui une personne, si elle est salafi ou non, d'une manière globale, si elle fait défaut à un des fondements des gens de la sunna, concernant la voie à suivre ou la méthodologie à suivre, alors il n'est pas salafi. Non? C'est ce que dit ici Cheikh Raslan, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Celui qui fait défaut sur elle ou l'une d'entre elles verra son affiliation à la voie prophétique et à la voie des salafs non valide. De même, on ne dira pas de lui qu'il est salafi. Comment peut-il être salafi alors qu'il fait défaut à ses fondements desquels il est nécessaire qu'il se réalise chez la personne afin qu'il soit véritablement affilié à la voie des salafs, afin qu'il soit sur la voie claire, claire de nuit comme de jour, dont seul le perdu s'en égarera. Ça c'est par rapport à un hadith du prophète. Vous avez compris les frères? Kathirun minan nas, tanabbaw ya akhouti al-kiram, kathirun minan nas yad'u ila ikhlas at-tawhid lillah وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة ولا يلتفت إلى السمع والطاعة في غير معصية. Beaucoup de gens appellent à l'adoration exclusive à Allah et au suivi exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'attachent pas d'importance au problème de l'attachement ou à la problématique ou au principe de l'attachement au groupe, ni à l'écoute et à l'obéissance des gouverneurs, n'impliquant pas une désobéissance d'Allah. وكثير من الناس يأتي بالبدع الاعتقادية وكثير من الناس لا يحذر من البدع ولا من أهلها يوالي أهل الأهواء ويجالسهم وإذا كان كاتبا نقل عنهم من غير تحذير أو نقل عنهم ما يشيد بدعتهم ويؤيد أهواءهم المردية من غير ما بيان. Beaucoup de gens viennent avec des innovations dogmatiques. Et beaucoup de gens ne mettent pas en garde contre l'innovation et ses partisans. Ils s'allient avec des gens de la passion et s'assoient avec eux. Et si il est écrivain, il relaie leurs propos sans mise en garde, ou bien relaie ce qui conforte leurs innovations et appuie leur passion destructrice, sans éclaircissement de sa part. Ça, c'est quelque chose qui est courant, mes frères. Voilà, mes frères, ce sont des sujets d'actualité. Ce sont des sujets d'actualité, et je dirais même, ce sont des sujets qui nous touchent tout particulièrement, nous, en France. يقول المؤلف هذه أصول منهج السلف من لم يحققها تحقيقا فإنه لا يقال له إنه من أهل منهاج النبوة ولا يقال له هو على منهاج السلف الصالحين ولا يقال له هو من أهل السنة والجماعة. Voici les fondements de la voie des salaf. Celui qui ne les réalise pas correctement, on lui dira de lui qu'il fait partie des gens de la voie prophétique. Ou bien il est sur la voie des pieux prédécesseurs. Ou bien il fait partie des gens de la sunna et du groupe. لا بد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il est nécessaire qu'il voue un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci ne peut se réaliser que par le strict suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا بد أن يلزم الجماعة وأن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. Il est nécessaire qu'il reste et s'attache au groupe, qu'il fasse preuve d'écoute et d'obéissance, n'impliquant pas une désobéissance au Seigneur, car il n'y a aucune écoute et obéissance au gouverneur dans la désobéissance d'Allah تبارك وتعالى. ولا بد أن يحذر البدع والمبتدعين وأن يحذر من ذلك وينفر منه. Il lui est nécessaire de se méfier de l'innovation et des innovateurs, et de mettre en garde et de repousser les gens de ceci. C'est-à-dire des innovations et des innovateurs. Voilà une introduction concernant ces trois fondements. Je vous ai pratiquement tout traduit, à quelques passages près, ce qu'a dit le Mu'allif Mohamed Sadr Aslan, Hafidhahullah Tabarak wa Ta'ala. Nous allons entamer le premier pilier, qui est court, Inch'Allah. Donc, le Mu'allif n'a pas fassé فيه تفصيلا لأنه أمر معلوم للجميع. Le premier pilier, donc le Mu'allif, par rapport aux deux autres fondements, n'a pas détaillé dans ce livre ici, contrairement aux deux autres fondements, car c'est quelque chose qui est connu. Et comme on l'a vu, le premier pilier, c'est la réalisation de l'asservissement ou de la servitude envers Allah et tabaraka wa ta'ala. وَذَلِكَ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وَفْقِ فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الضَّمِيمَةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى وَفْقِ فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. Ceci, cette servitude ou cet asservissement envers Allah et tabaraka wa ta'ala ne peut se réaliser qu'en suivant le livre et la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Ce dernier ajout, comme on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises, suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète selon la compréhension des sahaba ou des pieux prédécesseurs. Ce rajout-là, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, est nécessaire. C'est que le livre et la sunna doivent être compris selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Taïb. Al-Ubudiyya, mes frères, la servitude ou l'asservissement envers Allah et Tabaraka wa Ta'ala, c'est deux choses. C'est deux choses primordiales. C'est l'adoration d'Allah l'unique, Tabaraka wa Ta'ala, sans rien lui associer, et le suivi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que la sunna du prophète. En dehors de toute autre voie ou toute autre idéologie ou conception religieuse. ولذلك يقول المؤلف وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سوى وبأن يعبد الله بما شرع وذلك حقيقة كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب. La réalisation de ceci, c'est qu'il adore Allah seul sans les associer et qu'il adore Allah parce qu'il a légiféré. Ceci est la réalité de la parole d'unicité أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceci, comme vous le savez tous, constitue le premier pilier de l'islam. Et ce pilier-là, mes frères, s'il n'est pas respecté dans sa totalité, c'est tout l'islam qui tombe. جملةً وتفصيلًا. Si ce premier pilier, il n'est pas respecté dans sa totalité, c'est tout l'islam qui tombe. Je m'explique. Celui qui adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là n'a pas réalisé le tawhid, l'unicité d'Allah. Là, celui qui croit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des égaux dans sa seigneurie, dans sa royauté, dans la gérance de l'univers, dans la création, celui-là a associé avec Allah et n'a pas réalisé le tawhid dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui a attribué à des créatures des noms ou des attributs propres à Allah, tabaraka wa ta'ala, celui-là n'a pas réalisé le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Donc, on ne dira pas de lui qu'il est musulman. Là, on ne dira pas de lui qu'il est musulman. De même, la personne qui aura clairement, en âme et conscience, fait défection à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que la voix du prophète n'est pas la voie qu'on doit suivre, ou la voix du prophète est obsolète, ou la voix du prophète est inadéquate, ou la voix du prophète n'est plus conforme à notre mode de vie, ou la voix du prophète n'est pas la voie que l'on doit suivre en priorité. Celui-là, on ne dira pas de lui qu'il est musulman. Hein, mes frères? Donc, la personne qui ne réalise pas ce premier pilier, qui est l'ubudiyya, al-tajridu, al-ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala, duna man siwa, wa tajridu al-mutaba'a lil-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ma'soum, fala yuqalu lahu, aw anhu annahu muslim. C'est clair, mes frères? ولذلك الإنسان يدخل في الإسلام بشهادتين وقد يخرج من الإسلام بما يناقض الشهادتين. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Omar, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. نعم. إذن الإنسان يطالب به أن يشهد بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون أمواله ودمه وعرضه معصوما عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut que la personne, pour qu'elle rentre dans l'islam, elle atteste qu'Allah lui seul est en droit d'être adoré, et que le prophète est l'envoyé d'Allah, qu'il accomplisse la prière et qu'il s'acquitte de la zakat. S'il fait ceci, alors ses biens, son sang, son honneur sont préservés, sont sacrés. On n'a pas le droit d'y intenter. Et la réalité de sa foi, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revient à Allah. Wa hisabuhu ala Allah ta'ala. La réalité de ce qu'il dit, ça revient à Allah. Ce qu'il a dans son cœur, s'il l'a dit avec sincérité, ou s'il l'a dit pour se protéger de quoi que ce soit, ceci, ce n'est pas de notre ressort à nous. D'accord? Nous ne jugeons que l'extérieur. Mais la réalité de sa foi, elle revient à Allah. Wa hisabuhu ala Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez que la personne, pour qu'elle rentre dans l'islam, elle est obligée de témoigner des deux attestations de foi. Hein? Donc c'est un fondement, mes frères. Hein? Une personne qui fait la prière, qui donne sa zakat, qui s'acquitte de sa zakat, qui jeûne le mois de Ramadan, qui peut faire 10 000 hajj dans sa vie, ou 80 hajj, il fait un hajj tous les ans, jusqu'à sa mort, mais qui ne respecte pas les tenants et les aboutissants de ces deux principes de base, qui sont en fait le premier pilier de l'islam, il verra ses actes annulés, et sans valeur et invalides auprès d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Non. Allah dit tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse preuve d'actes pieux, conformes à la voix du prophète, et qu'il n'associe rien à son Seigneur. Qu'il soit mukhlis, mukhlis, sincère envers Allah, et scrupuleusement attaché et conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a certes été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu viendrais à associer à Allah, tu verrais tes actes annulés, invalides, sans valeur, et tu serais parmi les nombres des perdants. Ce verset, il s'adresse à qui, mes frères? C'est un discours direct, une menace qu'Allah a faite au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de nous, alors? Il t'a certes été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes. La in ashrakta, la yahbatan amaluk. Si tu donnes un associé à Allah, tu verras tous tes actes annulés. Et ici, regardez bien la forme en arabe. La yahbatanna, la mutawqid, wa nun tawqid al-musakkal. Donc c'est un style arabe pour amplifier, donner de l'emphase au sens qui est voulu ici. C'est pas un fondement, ça, mes frères? Hada aslul usul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, an ya'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Certes, nous avons suscité à chaque communauté un envoyé qui leur disait, à chaque communauté, sans exception, qui leur disait, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est tout ce que l'homme fait en dépassant les limites qui lui ont été fixées, que ça soit dans l'adoration à autre qu'Allah, que ça soit dans le suivi à autre que le prophète qui lui a été suscité, ou à l'écoute et l'obéissance à autre qui lui a été désigné comme être obéi. Non. Donc, tous les prophètes sont venus avec ce message, sans exception. Donc mes frères, la réalisation de ce tawhid, de cette ubudiyya à Afwan, كما يقول المؤلف تحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سوى وبأن يعبد الله بما شرع وذلك حقيقة كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. La réalisation de cet asservissement ou de cette servitude envers Allah, comment la réaliser? C'est qu'il adore Allah seul sans associé et qu'il adore Allah que parce qu'il a légiféré, tabaraka wa ta'ala. Pas comme disent certains, nous adorons Allah à notre façon. Nous adorons Allah selon nos voies que nos chouyours ont tracées. Tes initiations, garde-les pour toi. Naam, elles ne te mèneront qu'en enfer. La seule voie qui est valide, c'est la voie qu'Allah a agréée. C'est celle que nous a montré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit dans le hadith al-sahih. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وخط خطوطا. Le prophète nous a tracé un trait droit, puis il a tracé des lignes de part et d'autre. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراط مستقيم هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le prophète a dit, voici, en désignant le trait tout droit dans sa rectitude, il a dit, voici la voie d'Allah, la voie droite dans toute sa rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les chemins qui s'opposent ou qui divergent de cette voie droite. Puis le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque voie. Donc la voie droite, elle est unique. Les voies d'égarement, ils sont multiples. C'est pour ceci qu'Allah, dans le Coran, lorsqu'il parle de « An-Nur wa al-Dhulumat », « An-Nur », la lumière, vous ne la trouverez jamais sous une forme plurielle dans le Coran. Elle est sous une forme au singulier. Alors que les ténèbres, ils sont toujours sous une forme plurielle. Car la lumière, c'est la vérité. Et la vérité, elle est unique. Al-haqqu la yata'addad. La vérité, elle ne se démultiplie pas. La vérité, elle est une. Elle forme un bloc unique. Amma les voies d'égarement, comme a dit le prophète, ou comme a dit Allah, de maintes et maintes reprises dans le Coran, elles sont multiples. Hada ma yaqul al-mu'allif. يقول فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم هذا ما قلت لكم ثم يذكر تعريف العبادة تعريف العبادة ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Tarifun, ma'rufun wa mashhur. Cheikh l'Islam dit concernant la définition de l'ibada. C'est quoi l'ibada? L'ibada, c'est un nom global impliquant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, apparent ou caché. Et ceci, pour vous donner des exemples, la récitation du Coran, c'est quelque chose qu'Allah aime et agrée. Ça fait partie des paroles. C'est une ibad. Dès lors que la personne cherche à se rapprocher d'Allah par elle. Car si je lis le Coran, non pas pour me rapprocher d'Allah, mais pour étudier ce qu'il contient afin de l'attaquer. Comme le font les orientalistes, par exemple. Ils étudient le Coran, le hadith du prophète, pas pour se rapprocher d'Allah, pas pour... Ils le font justement dans un objectif bien précis. C'est pour combattre le livre d'Allah et la sunna du prophète. Donc bien sûr, l'ibada, il faut avoir bien en tête que c'est dans un souci de se rapprocher d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. De même, la prière, c'est un acte d'adoration. Ça rentre dans l'ibada parce que c'est un acte que Allah aime et agrée. Ça, ce sont les paroles et les actes apparents. Des exemples. Parmi les paroles cachées, par exemple, la sincérité. La sincérité envers Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose qui est caché. Est-ce que c'est un acte d'adoration? C'est un acte d'adoration. Allah, il aime les gens sincères. De même, des actes cachés, comme par exemple, tawakkul, la confiance qu'on porte en Allah, tabaraka wa ta'ala, ou l'espoir qu'on a en Allah. Ou la crainte qu'on éprouve envers Allah. Toutes ces choses-là qui sont des actes du cœur, ce sont des actes cachés, mais qui relèvent de l'adoration d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc, tout, quand on parle d'adoration, tout ça, ça doit être adressé exclusivement à Allah. Si on adresse ne serait-ce qu'une seule de ces adorations à autre qu'Allah, on sort de l'islam. Ça, c'est concernant l'adoration. Le Mu'allif, il cite quelque chose de très important. Écoutez bien. « Yaqul wal ibadatul ma'mur biha tatadammanu ma'na al-dhulli wa ma'na al-hubbi. Fahiya tatadammanu ghayata al-dhulli lillahi ta'ala bi ghayatin mahabbatila. » Ça, c'est très important à comprendre, mes frères. Il dit, l'adoration obligatoire est celle qui implique l'humilité envers Allah, ou la soumission, et l'amour. C'est deux choses. Elle implique la pleine soumission et le plein amour envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est les deux piliers sur lesquels est basé l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah, elle est basée sur al-hubbi, l'amour d'Allah, wa dhulli, ma ta'zim. Vénération, soumission, le fait de s'humilier devant Allah, de se rabaisser devant Allah, tabaraka, ne pas s'enfler d'orgueil, et le fait d'aimer Allah plus que toute chose. N'avez-vous pas entendu Allah dans le Coran s'exprimant en parlant des mouchriquines? Où il dit تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Allah dit تبارك وتعالى, il y a parmi des gens qui prennent et qui donnent des égaux à Allah et qui les aiment au même titre qu'Allah تبارك وتعالى. Ils les aiment d'un amour équivalent ou même plus qu'Allah. Alors que ceux qui sont les plus en droit de porter l'amour envers Allah, ce sont les croyants. Non? C'est ceux qui aiment le plus Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il dit, tabaraka wa ta'ala, Tallahi inna kunna lafi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous donnions des égaux à Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dit, lorsque nous donnions des égaux à Allah dans l'amour. Idh nusawwikum برب الحرمين في المحبة أي كانوا يحبون آلهتهم كمحبة الله وكحب الله أو أشد حبا. نعم. Ils aimaient leur divinité d'un amour équivalent à celui qu'on comporte à Allah ou même plus. Comme c'est le cas de certaines personnes qui aiment plus leur chouyour, leur maître spirituel qu'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا الشرك بالله. C'est pour ça que l'adoration, mes frères, elle est basée avant tout sur l'amour, al-dhul wa al-ta'zim, la vénération d'Allah et l'humiliation devant Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ce que dit ici al-mu'allif. Deuxième chose très importante que c'est al-mu'allif. An al-ibadata laha shartani la tuqbalu hatta yatawaffara wa huma al-ikhlasu wal-mutaba'a. Il dit, il y a deux conditions pour que ton adoration elle soit acceptée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deux conditions, sine qua non. D'accord? Pas une seule, deux. Il faut les deux au minimum. Afin que ton adoration soit acceptée auprès d'Allah. La première, c'est la sincérité. Il faut que ton adoration soit sincère envers Allah. Si elle ne l'est pas, ce n'est même pas la peine de regarder la deuxième condition. Tu peux être sûr et certain, et comme il dit Allah dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, la personne elle est clairvoyante sur ça, sur lui-même. Il sait très bien s'il est sincère ou non. Elle sait très bien si elle est sincère ou non envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc sachez mes frères, que si vous faites un acte, vous ne le faites pas pour Allah, mais vous le faites pour un tel, ou pour atteindre des biens de ce bas monde, alors ce n'est même pas la peine de regarder si votre acte est conforme ou pas conforme. Sachez que votre acte sera rejeté à votre face. Donc ça, c'est la sincérité. Il ne faut pas associer dans ces actes d'adoration qui que ce soit avec Allah tabaraka. Le deuxième, al-mutaba' an yakun al-amal muwafiqan lima ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw ala wafq ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que l'acte soit conforme aux enseignements prophétiques. Non? Si ton acte est sincère envers Allah, sincère envers Allah, mais que tu n'es pas sur une voie, et ça c'est le sujet du livre, on peut dire, si ton acte n'est pas conforme à la voie du prophète ou à la voie qu'a tracé le prophète, à la voie des compagnons du prophète, sache que ton acte, même si tu y mets toute la sincérité que tu veux, ton acte il ne sera pas accepté. Vous comprenez les frères? Ces deux conditions, elles se retrouvent dans un verset coranique où Allah dit Tabaraka wa ta'ala, c'est le dernier verset de Sourate Al-Kahf, pour ceux qui veulent y revenir chez eux. Où Allah dit Tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, et les savants ils disent, celui qui espère la récompense d'Allah. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse preuve d'actes pieux, et les savants ils ont dit, les actes pieux ici, ce sont les actes qui sont conformes à la sunna du prophète. Car un acte qui n'est pas conforme à la sunna du prophète, il n'est pas, ce n'est pas un acte pieux. C'est une bid'a. Ou alors un acte, tu suis tes passions. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse preuve d'acte pieux. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe rien à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il fasse preuve de sincérité dans son adoration. Vous voyez que les deux conditions, elles ont été réunies dans ce verset coranique. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ أَيْ لَا يُرَاهِي بِعَمَلِهِ بَلْ يَكُونُ عَمَلُهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ من واجب ومستحب فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. Il dit, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas preuve d'ostentation dans ses actes, mais ses actes doivent être sincères pour la face d'Allah le Très-Haut et en conformité à la législation d'Allah, qu'ils soient obligatoirement recommandés. Celui-ci sera celui qui aura réuni entre la sincérité et la conformité. Non. وهذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه منهاج النبوة تحقيق العبودية لله باتباع شرعه ومن خالفه ضل الصراط المستقيم. Ceci est le premier fondement sur lequel repose la voie prophétique, la réalisation de la servitude envers Allah et ceci en suivant sa législation. Celui qui contreviendra à ce fondement s'égarera du droit chemin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله والسنة ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. D'après Abi Huraira رضي الله عنه, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, certes je vous ai laissé deux choses après lesquelles vous ne vous égarerez point. Le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne se sépareront fussent-ils au bord du bassin. C'est-à-dire le livre et la sunna ne se sépareront jamais. Ila nihayati zaman, kama yaqul Sheikh Najmi. Ila nihayati dahr. Et le prophète a dit, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au bassin. C'est-à-dire ça, c'est même jusqu'à yawm al-qiyam. Al-kitab wa sunna. لا ينفك أحدهما عن الآخر. Ils ne peuvent se dissocier l'un de l'autre. Et on avait cité ceci, mes frères. C'était une choubha, c'était une ambiguïté religieuse que certains avaient, ou ont même jusqu'à notre époque, qui disent, on prend que du Coran et on ne prend pas de la sunna. Le prophète a dit, peu s'en faut qu'une personne assise sur son lit, ou accoudée sur son lit, duquel lui est rapporté un de mes hadiths, et qui disent, entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Et que le livre d'Allah. Ce que nous trouvons dans le livre d'Allah de licite, nous le rendons ou nous le déclarons comme tel. Et ce que nous trouvons dans le livre d'Allah d'illicite, nous le déclarons comme tel. Et on se suffit à ça. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, ce qu'a interdit le prophète est comparable à ce que interdit Allah, tabaraka wa ta'ala. إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Donc dans les lois religieuses, les lois, la parole d'Allah, la parole du prophète sont au même niveau. Donc on ne fait pas la distinction entre les deux. Ils le vont de pair, mais ces gens-là, ils disent non, on prend que du livre d'Allah et on fait abstraction de la sunna du prophète. Donc le prophète a dit ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Il dit ils ne peuvent se séparer fussent-ils même au bord du bassin. Et c'est le jour où les gens se réuniront autour du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où des gens viendront, justement, ces gens-là, le prophète ne sait pas ce qu'ils ont fait après lui. Non. Et le prophète les invitera à boire à son bassin, et ils seront repoussés. Et le prophète, il dira, mais pourquoi? Et Allah leur dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, et ce qu'ils ont innové dans la religion après toi. Et à partir de ce moment-là, dès que le prophète fut informé de ceci, il dira « Sohkon, Sohkon ». C'est-à-dire « Loin de moi, loin de moi ». À ces gens-là. « Liman baddal wa ghayyar ». Pour ceux qui ont changé et altéré la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. « Sohkon, Sohkon, liman baddal, liman ghayyara wa baddal ». Non. Ne pas prendre l'innovation religieuse à la légère. « Wa akhiran ». يقول المؤلف الهدى في الكتاب والسنة والاهتداء لمن تمسك بالكتاب والسنة والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة فمن تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلم وغنم ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. Il dit المؤلف la guidée et dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. Et le cheminement dans la guidée ou la recherche de la guidée est réservé à celui qui s'accroche fermement au livre et à la sunna. Là, les compagnons étaient les plus connaisseurs du livre et de la sunna. Celui qui suit le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs sera épargné et gagnera. Ranima littéralement, c'est-à-dire il prendra du butin. Il prendra sa part de récompense. Quant à celui qui ne suivra pas le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, perdra et s'endettera. Non, ou fera une mauvaise affaire. Ralim. C'est chaud, mes frères. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا رزقه الاعتصام به والتمسك بشرعه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة الصالحون. Lorsqu'Allah souhaite le bien pour son serviteur, il lui octroie son attachement à lui, attachement à Allah تبارك وتعالى. بالتوكل والرجوع إليه والسؤال أن يدفع عنه الشر et le cramponnement à sa législation, ainsi que le suivi de la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Lorsque vous voyez une personne qui suit, qui s'accroche à Allah, qui suit la sunna du prophète, qui s'accroche au groupe, qui est sur la voie des salaf, sachez alors qu'Allah lui veut du bien, cette personne-là. Hada alamat al-khayr, alamat al-husn al-khatima. Ce sont des signes qui, inshallah, prouve qu'il finira, inshallah, dans de bonnes conditions. Taïbi, frère. Aktafi bihad al-qadr. Wa Allah tabaraka wa ta'ala an yubassirana fi umuri dinina wa dunyana wa an yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Subhanakallahumma wa bihamdika ash'alu an la ilaha